Mets ton petit cul sur la glace. Mets ton petit cul sur la glace. Ton petit cul, ton petit cul, ton petit cul tout nu. Mets ton petit cul sur la glace. Mets ton petit cul sur la glace. Ton petit cul, ton petit cul, ton petit cul tout nu. Voilà du bon fromage, olé olé. Qui vient du pays de celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, c'est un Bergenard. Oh là là, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage, olé olé. Qui vient du pays de celui qui l'a fait. C'est la musique de Saint-Paul-sur-Mer. C'est sympathique, ça balance en l'air. Concours de marche ou bien en concert. Écoutez, regardez, c'est Saint-Paul-sur-Mer. Trois. C'est la bande de la citadelle, on va rentrer complètement blindé. Chez Bibine, à chez Borel, on va chanter ce gai refrain. Avant de fermer les paupières, viens donc boire un dernier verre. Et on va continuer à boire, et on va chanter sans jamais s'arrêter. Allez les pulls, la pisse, allez, allez. La musique elle dort, la musique elle dort. Elle ferait mieux d'aller se coucher.